On est là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours... Voilà. Donc, en attendant que Jeanne nous rejoigne, et puis Jeanne nous a rejoint, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous appeler au numéro 079 261 33 46 pour nous partager vos sons, vos dédicaces. Et puis, à ce propos, on en a reçu une. Ah. Récemment, que j'ai tenté de partager. Il faut que je retrouve un petit peu mes marques. Mais pas de soucis, Antoine, retrouve tes marques. On sait que tu étais perdu à l'atelier Cornemuse. J'étais complètement perdu. Ça devait être intéressant et surtout prenant. C'était, c'était vraiment très très intéressant et très très, très, très beau d'une certaine manière de voir. Voir plein de personnes affairées à la tâche, produire des instruments et puis, en même temps, aussi un petit peu galérer. Enfin, on s'est quitté quand on discutait avec Otto et Lise des échecs répétés dans le fait de tailler des hanches. De tailler des hanches. Mais qu'est-ce qu'une hanche, Antoine ? Parce que quand même... Ben, l'hanche, c'est l'élément qui se trouve sur, qu'on va utiliser dans beaucoup d'instruments à vent, à air, pour induire une sorte de vibration qui va ensuite faire résonner l'instrument d'une manière particulière. Ce qui fait que le son caractéristique ne sera pas forcément celui de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'un instrument soufflé comme une flûte ou comme une trompette, par exemple les hanches, c'est des éléments qu'on trouve dans des instruments comme les clarinettes ou les saxophones. Voilà. Cette dédicace, elle nous vient d'un DJ qui s'appelle Doberman. Oh, Doberman, Doberman. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à la retrouver sur mon disque dur. Vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer des dédicaces. Comme vous le voyez, ça marche toujours très, très bien. Ah oui, oui. Enfin, non, ça marche. Simplement, il y a un petit temps de latence. Le temps d'acquérir un nouveau skill professionnel. Si mais tu là, veux, j'ai c'est son le cas. SoundCloud. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Super. Le son est là. Donc, je c'est l'envoie. C'est parti. VJ Doberman. Alors, oui, c'est bon. C'est un son qui n'a pas été commenté, enfin qui a plutôt été partagé et envoyé généreusement par DJ Doberman. Je vous laisse l'apprécier encore une petite minute. En tout cas, c'était vraiment un super morceau. On est un peu dans un noise, on est un peu dans un truc mélodieux, on est un peu dans un truc assez doux quand même. Oui. Ce qui est l'inverse de ce que je vais faire ce soir à VV. Non, je rigole, mais merci Doberman. Moi, je le connais personnellement, en tant qu'artiste aussi, donc VJ aussi, artiste sonore, visuel. Il fait plein d'installations lumineuses aussi. Il travaille dans plein de contextes et de lieux à Genève, culture à Genève. Il est vraiment super. Du coup, n'hésitez pas à le suivre. Et puis, il travaille notamment ici à Archipel. Donc, c'est grâce à sa présence dans nos couloirs qu'il a vu notre appel à dédicace et puis qu'il est venu pour proposer ce son que nous venons de partager. Donc et merci beaucoup. D'un partage à l'autre, il ne reste, il faut juste le temps de le partager justement et voilà, nous y arrivons.